On fait du golf dans une piscine, on fait un barbecue avec une grille. On fait du golf dans une piscine, on fait un barbecue avec une grille. Golf, barbecue, piscine, c'est mon style, c'est mon kiff, c'est ma life. Golf, barbecue, piscine, c'est mon style, c'est mon kiff, c'est ma life. Golf, barbecue, piscine, c'est mon kiff, c'est mon kiff, c'est ma life. Golf, barbecue, piscine, c'est mon style, c'est mon style, c'est ma life. La piscine avec une grille, on fait du golf dans un barbecue. On fait la piscine avec une grille, on fait du golf avec des clubs. Golf, barbecue, piscine, c'est mon style, c'est mon style, c'est ma life. Golf, barbecue, piscine, c'est mon style, c'est mon style, c'est ma life. Golf, barbecue, piscine, c'est mon style, c'est mon kiff, c'est ma life. Golf, barbecue, piscine, c'est mon kiff, c'est mon kiff, c'est ma life. C'est ma life, et pour kiffer, il faut être bien stylé. Si t'es impur, et si t'es un dur, et si t'assures, enlève ta chaussure. Enfin, golf, barbecue, piscine, c'est mon style, c'est mon kiff, c'est ma life. Golf, barbecue, piscine, c'est mon style, c'est mon kiff, c'est ma life. Golf, barbecue, piscine, c'est mon style, c'est mon kiff, c'est ma life. Golf, barbecue, piscine, c'est mon kiff, c'est mon style, c'est ma life. Cabane au fond du jardin, moi j'ai fait ça, merci.